Chapitre 37. Le banquier des pauvres. Dans son cabinet de travail aux lourdes et maladroites somptuosités, Bonheur achevait de compulser un registre que seul il ouvrait parfois et qu'il tenait toujours enfermé à clé. C'était le registre où il notait les prêts qu'il faisait aux pauvres de Paris. Oui, Bonheur prêtait aux pauvres. Avec un honnête courtage d'intérêt, cela va de soi. Toute la philanthropie du banquier tenait dans ce carnet crasseux dont il tournait les feuillets usés, plein d'annotations crayonnées de ses gros doigts en boudin chargés de lourdes bagues. L'opération consistait à avancer de l'argent aux agences qui prêtent sur les recommandations du monde-piété. À quel taux ? Oh, les pauvres reconnaissances, longtemps gardées au fond de l'armoire sous une pile de linge, ou bien cachées sous le globe de la pendule, et qu'on se décide, par les noires journées d'affolement, à aller engager elle-même. Le prêteur n'a souvent qu'un faible roulement de fonds, et alors il s'adresse à quelques banquiers qui lui donnent de quoi faire marcher son petit commerce. Il n'y perd rien. Le malheureux, qui a recours à ses officines, où la misère est honteusement exploitée, paie des intérêts doubles, triples s'il le faut, 10% par mois. Et les bonheurs ? Les philanthropes, qui, avec leurs capitaux, assurent le fonctionnement de ces agences, encaissent toujours, et roulent carrosse avec les gros sous arrachés à la géhenne et aux larmes des détresses parisiennes. Ayant parcouru les dernières feuilles de son registre, Bonheur poussa un soupir de satisfaction, allongea ses jambes vers le bon feu qui flambait dans la cheminée, et murmura tout guilleret. Hey, ça marche cet hiver, pourvu que le froid persiste. Allons bon, il n'y a pas moyen d'être tranquille une minute. Entrez !» On venait de frapper à la porte du cabinet. Il jeta le fameux registre de philanthropie au fond d'un tiroir et attendit, les sourcils froncés, dans la pose de majesté qu'il prenait pour recevoir ses employés. Mais il se leva vivement en voyant la comtesse de Charmeuse. « Comment ? C'est toi, fifille ? Du diable si je t'attendais ! Qu'as-tu donc ? Viens te chauffer, tes menottes sont glacées !» Elle tremblait. Sa résolution s'en allait. Elle ne savait comment aborder la grosse question. Bonheur l'examinait, du coin de l'œil, très méfiant. « Père, fit-elle tout à coup, je viens te demander un service. »« Pas de l'argent, j'espère bien, s'écria-t-il vivement. Je n'ai pas le sou. Ça ne va pas du tout cet hiver. Encore une crapule qui vient de lever le pied, en province. J'y suis de 40 000 francs, au bas mot. » La tête basse, elle écoutait à peine ces jérémiades qu'elle avait entendues 100 fois déjà, et les dents serrées, dans la soudaine terreur de Roger mort, de Roger qu'elle évoquait, la tempe trouée d'une balle de revolver, elle dit toute la scène qui venait de se passer à l'hôtel de Charmeuse. Bonheur bondit. « Non ! Clama-t-il, écumant, rouge de fureur. « Pour qui me prend-il, ce coco-là ? Est-ce qu'il croit que le travail des honnêtes gens doit servir à payer ses fredaines ? Ah ! Mais j'en ai assez, moi, d'entretenir mademoiselle Suzanne d'Amour, et d'autres encore, et de casquer, toujours casquer. C'est trop bête à la fin. « Monsieur rigole, monsieur s'en paie des tranches dans les grandes largeurs. Et puis on me présente la note. Paix, beau-père, paix, imbécile. Encore bien de l'honneur qu'on daigne te faire. Non, non et non. Ces 10 000 francs, tu ne les auras pas. Père, tu veux donc qu'il se tue ? Bégaya-t-elle, palpitante. Il laissa tomber ses bras dans un grand geste de pitié. Comment, ma pauvre enfant, tu en es là ? Tu coupes dans le suicide de Monsieur Roger ? Lui ? Se tuer ? En voilà une bonne blague ! Je t'assure ! Eh, laisse donc ! Je le connais, cet oiseau-là. Et puis s'il veut se tuer, qu'il y aille carrément, pour ce qu'il fait de sa vie. Oh, c'est horrible ! Gémit-elle en éclatant en sanglots. Bonheur se planta devant elle, les bras croisés. Oui, qu'il se tue. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi ? Et à toi donc ? Je lui ai payé son nom, n'est-ce pas ? Ta situation est sauve, ton enfant est une charmeuse. Eh bien, nous sommes quittes. Si monsieur le comte veut être le roi du boulevard, moi je ne veux pas être l'éternel gogo. Qu'il disparaisse, c'est son affaire et non la nôtre. Souper de sa fiole. Il disait cela avec la froide et implacable fermeté de l'homme que rien ne pourra émouvoir. Elle comprit, et sans plus rien ajouter, elle se sauva, épouvantée par l'incurable égoïsme de son père, plus épouvantée encore par le drame qu'elle prévoyait.